us pray right away. Prions tout de suite. Mighty Father, Père céleste, we recognize your mighty authority here. Nous reconnaissons ta puissante autorité en ce lieu. And Lord, we ask that your reign and counsel prevail here. Et nous prions que ton règne et ton conseil prévalent en ce lieu. That you may help this nation and this church. Afin que tu puisses aider cette nation et cette église. To find you at this hour. Pour te trouver à cette heure. And follow your leading. Et nous prions pour ta direction. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. I am indeed very blessed. Et je suis effectivement très béni. That the Lord allowed me to come. Que le Seigneur m'a permis de venir. To bring this very tremendous message to you. Pour apporter ce formidable message, pour vous l'apporter. At this very critical time in the history of the church. En ce moment des plus critiques dans l'histoire de l'Église. Hallelujah. Now. Maintenant. Every once a year. Alors, the Lord has allowed me to do a very massive healing service in Kenya. Le Seigneur m'a permis souvent de faire un grand service de guérison au Kenya. 2012. En 2012 donc. As I was preparing for this big meeting. Pendant que je me préparais pour cette grande rencontre. And so, as I was preparing, alors pendant que je me préparais, the meeting is supposed to take place December 31st. La rencontre devait se tenir le 31 décembre. But November 21st, mais le 21 novembre, the Lord came to speak with me about that meeting. Le Seigneur est venu me parler de cette rencontre. In a mighty dream, dans un puissant rêve, and in that conversation, et dans cette conversation, let me describe it here. Permettez-moi de la décrire ici. I found myself standing in the meeting already. Je me suis trouvé debout déjà dans la rencontre. And when I was in the meeting already, et me voyant ainsi debout pendant la réunion, I was standing at the altar of the Lord. Je me tenais à l'autel du Seigneur. And I was seeing a lot of millions of people, some of them outside the stadium. Et je voyais des millions de personnes, certains hors du stade. In that meeting. Dans cette rencontre. That is now in the dream. Et là, c'est un rêve encore. November 21st. Le 21 novembre. And in that mighty dream, et dans ce puissant rêve, as I was standing at the altar, pendant que je me tenais là à l'autel, then heaven opened. Les cieux se sont ouverts. Heaven opened. Les cieux se sont ouverts. And when heaven opened, et quand les cieux se sont ouverts, I saw the glory of the Lord coming down from heaven. J'ai vu la gloire de Dieu descendre du ciel. As I stood at the altar, et pendant que je me tenais là à l'autel, and as the glory of the Lord came down, et pendant que la gloire de Dieu descendait, I saw the glory coming like the cloud, a huge cloud. J'ai vu cette gloire venir comme un énorme nuage. And the cloud was like tornado. Et ce nuage était comme une tornade. Like a tornado coming down. Comme un ouragan qui descendait. And in that dream, et dans ce rêve, this is what happened. Voici ce qui s'est produit. When heaven opened, quand les cieux se sont ouverts, and the cloud began to come, et les nuages ont commencé à descendre, all of a sudden, tout d'un coup, the stadium was hit, le stade a été frappé, by a massive power, healing anointing. Par une puissante force, une onction de guérison. And so the cripples began to walk, the blind, the deaf, the mute, the paralytics, everything ainsi, was happening. Les boiteux, les aveugles, tout le monde a commencé à être guéri. And so that shocked me also in the dream. Et dans le rêve aussi, cela m'a choqué. Because it was overwhelming. Parce que c'est j'étais bouleversé. Another cripple has walked here, another blind has seen here, another crippled baby walking, everything was happening here. Tout était en train de se produire en même temps, toutes ces guérisons. So I found myself, alors je me suis trouvé, consumed by this visitation, consumé par cette visitation. And I forgot, et j'ai oublié, about what had happened up there, de ce qui s'était produit là-haut. The heaven had opened and the cloud was coming. Les cieux qui s'étaient ouverts et le nuage qui était descendu. So I was here with the healed people, alors j'étais là avec les personnes guéries, jumping and celebrating and taking testimony, en train de sauter, de célébrer et prendre les témoignages, in that dream, dans ce rêve. And then, et alors, all of a sudden, tout d'un coup, I was shocked. J'ai été choqué. To realize, de me rendre compte, that the cloud I had seen coming, que le nuage que j'avais vu descendre, had arrived in front of me like this, était déjà face à moi là, in front of the altar, face à l'autel, huge cloud, very huge, un immense nuage, almost 5-6 times the size of this building, right? Peut-être 5 à 6 fois la taille de ce bâtiment, thick dark cloud, un nuage épais et sombre. And the cloud was coming. Et le nuage avançait. When the cloud arrived in front of the altar, et quand le nuage est arrivé face à l'autel, and began to start coming towards the altar, et a commencé à foncer sur l'autel, in that dream, dans ce rêve, I was so shocked. J'étais tellement choqué. Because he made me know. Parce que cela m'a fait savoir. That this is he. Que c'est lui. This is him. C'est lui. And so, as he was coming, surging towards the altar. Et pendant qu'il venait face à l'autel. I remember in the dream. Je me souviens dans le rêve. I tried to do this. J'ai essayé de faire ceci. I tried to dodge, to avoid him. J'ai essayé de l'éviter. And I tried to do this. Et j'ai essayé de me courber. That he may not hit me. Afin qu'il ne me frappe pas. But he covered me. Mais il m'a couvert. In that dream. Dans ce rêve. And so when he covered me. Et quand il m'a ainsi couvert. The cloud came. Le nuage est arrivé comme cela. And the second wave. Et encore une deuxième vague. And the third wave. Et une troisième vague. In waves. En vague comme cela. And I want to tell you one thing today. Et j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. That the glory of the Lord. Que la gloire de Dieu. Has weight. Weight. A un poids. The glory of Jehovah has weight. La gloire de Dieu pèse. The weight of the glory hit my face when the first wave, second wave, the weight hit me again. Le poids de cette gloire m'a frappé une fois, deux fois. I could feel the weight. Et je pouvais sentir ce poids. Feel the weight. Je pouvais sentir encore ce poids. Hallelujah. And then, so when I woke up, alors quand je me suis réveillé, I went live on radio. Je suis allé en direct à la radio. And I gave this prophecy. Et j'ai donné cette prophétie. And I said, et j'ai dit, listen to me, the nations of the earth. Écoutez-moi, nations de la terre. And I said, listen to me, the church of Christ. Et j'ai dit, écoutez-moi, église du Christ. I see the Lord coming to visit the church. Je vois le Seigneur venir visiter l'église. And I said, et j'ai dit, this time around, cette fois-ci, I see the Lord himself. Je vois le Seigneur lui-même. Coming to visit the church. Venir visiter l'église. And I said, et j'ai dit, the cloud of God, le nuage de Dieu, that visited Moses, qui a visité Moïse, is coming back, revient. Because now, parce que maintenant, I wondered, when I woke up, I wondered, quand je me suis réveillé, je me suis posé la question, this is a modern generation. Voici la génération moderne. These people have gone to Bible college. Ces gens sont allés dans des écoles bibliques. They have been indoctrinated by human theology. Ils ont été indoctrinés par la théologie humaine. And human philosophy. Et la philosophie humaine. They have been taught by professors of university. Les professeurs d'université les ont enseignés. And the professors have told them. Et les professeurs leur ont dit. That we are in the dispensation of the grace. Qu'on est dans la dispensation de la grâce. They have told them, on leur a dit, that in this dispensation, que dans cette dispensation, it is grace. C'est la grâce. You can imagine when I woke up. Vous pouvez imaginer quand je me suis réveillé. How do you go before them? Comment est-ce que vous allez à la rencontre de telles personnes? And you know the radio we have is global, global. Et vous savez que la radio que nous avons est globale. How do you go to a modern generation? Comment aller à la rencontre d'une génération moderne? How do you go to a modern church? Comment aller à la rencontre d'une église moderne? A church that is modern. Une église qui est moderne. How do you go to them? Comment est-ce que vous allez à leur rencontre? And tell them, et pour leur dire, that hey, que hey, look, regardez, this is the prophecy of God. Voici la prophétie de Dieu. That the cloud that visited during the time of Moses, que le nuage qui a visité à l'époque de Moïse, the cloud of the law, Le nuage du Seigneur, la loi, pardon. The cloud that was during the time of Moses. Le nuage qui était à l'époque de Moïse. The cloud that is synonymous with the law. Ce nuage synonyme de la loi. That is now coming back. Que ce nuage là est de retour. How do you tell people in the new dispensation of the grace? Comment est-ce que vous le dites à des gens dans la nouvelle dispensation de la grâce? That the cloud of the law is coming back. Que le nuage de la loi revient. They are going to dismiss you. Ces gens-là vont simplement vous mettre au rebut. They are going to say that is nonsense. Ils vont dire c'est du n'importe quoi. I want you to appreciate what I was going through before I gave the prophecy. J'aimerais que vous vous rendiez bien compte de ce par quoi je suis passé au moment de donner cette prophétie. I wondered, how can you give this prophecy? Et je me demandais, mais comment est-ce que je peux donner cette prophétie? That the cloud that was during Moses is coming back. Que ce nuage de l'époque de Moïse est de retour. That is how I went on radio. C'est comme cela que je suis allé à la radio. And I said, et j'ai dit, such a strange thing. Une chose aussi étrange. I said the cloud of God that visited Moses is coming to visit the church. Et j'ai dit ce nuage de Dieu qui a visité Moïse vient visiter l'église. And I said, et j'ai dit, he is coming in waves. Il vient par vagues. Because I had experienced it. Parce que je l'avais expérimenté. I've already experienced it. Je l'avais déjà expérimenté. That is how I knew he's coming in the waves. Et c'est comme cela que je savais qu'il venait par vagues. And so, ainsi, when the Lord brought me to the stadium, quand le Seigneur m'a amené au stade, and knelt down and prayed, je me suis mis à genoux et j'ai prié, and began to say that the glory is coming here. I've seen the cloud of His glory. Que la gloire vient. J'ai vu la gloire de sa puissance. Then look at what happened. Voyez ce qui s'est produit. A massive healing anointing hit the stadium. Il y a une puissante onction de guérison qui a touché le stade. Boom, boom. The cripples walking, the blind is walking, the blind can see. Les boiteux qui marchent, les aveugles qui chaos, chaos. C'était chaotique. Chaos. C'était chaotique. It became chaotic. C'est devenu chaotique. Extremely chaos. Un chaos extrême. A mother is rolling on the soil. Et on voyait une mère qui roule sur le sol. Because the crippled baby is beginning to walk. Parce que l'enfant handicapé a commencé à marcher. So for me, alors pour moi, I was shocked. I was caught up in the testimony, in the visitation here. J'étais choqué, coincé ainsi dans les visites, dans les témoignages. Taking the testimony of the Lord. En train de prendre les témoignages du Seigneur. The cripple has walked. Les boiteux ont marché. The blind has seen. Les aveugles ont vu. The deaf has heard. Les sourds ont entendu. It was tremendous. C'était formidable. And I forgot. Et j'ai oublié. I did not remember. Je ne me suis pas souvenu. About this. De ceci. The pastors, thank God for them. Mais merci pour ces pasteurs-là. The pastors remembered. Les pasteurs se sont souvenus. Because the prophecy said. Parce que la prophétie disait. That when that happens, there will be a healing anointing historic that will hit the stadium. Et lorsque cela se produirait, une onction de guérison spéciale historique frapperait le stade. So when they saw the cripple, the blind, the what, everything happening here. Et quand ils ont donc vu ce qui se passait avec les boiteux, les aveugles et autres, they remembered. Ils se sont souvenus. And look what happened. Et voyez ce qui s'est produit. And when they remembered, quand ils se sont souvenus, they did this. Ils ont fait ceci. They looked up like this. Ils ont jeté un coup d'œil en l'air. When I walked into the stadium, quand je marchais dans le stade, and pointing towards those trees, the three trees, et je pointais au-dessus de ces figuiers. So you see, I was pointing in that direction. Vous voyez que je pointais dans cette direction. They say, et quand ils ont jeté le regard, ils ont regardé en haut. At the place where the aircrafts fly, là où les avions volent. They saw the glory like a tornado like this. Ils ont vu la gloire comme une tornade. From where aircrafts fly. Depuis là où les avions volent. Coming. Et cela descendait. And coming direct to the meeting. Et cela se dirigeait directement sur le lieu de la rencontre. You know, can go somewhere, but I'm saying direct to the meeting. Je dis ça fonçait directement sur la réunion. And now you see the touchdown. Et vous voyez maintenant comment thank cela you, a atterri. So now the touchdown like a tornado. Et c'était comme un ouragan qui touchait terre. But what surprises me? Mais ce qui m'a surpris. Because many times when the Lord sends me, parce que plusieurs fois quand le Seigneur m'envoie, He can tell me. Il peut me dire, in the dream, dans le rêve, that when you will be preaching here, que quand tu seras en train de prêcher ici, my cloud will be standing there. Mon nuage se tiendra là. Many times, plusieurs fois, in many places all over the world, et en plusieurs endroits dans le monde. And many times I know that the people cannot see him. Et je sais que plusieurs fois les gens ne peuvent pas le voir. And for me, I know exactly where he is standing. Et je sais où il se tient. Many times. Plusieurs fois. So even this one, même celui dans ce cas, I prayed. J'ai prié. If you hear me on the radio, the way I prayed on the radio, si vous m'entendez prier à la radio, I said, Lord, je dis, Seigneur, open their spiritual eyes that they may see your glory. Ouvre leurs yeux spirituels qu'ils puissent voir ta gloire. My worry was, et mon inquiétude était, that he will come as usual, qu'il viendrait comme d'habitude, and they will not see him, et qu'ils ne le verraient pas. But what surprised me is this. Mais ce qui m'a surpris, c'est que, in broad daylight, et en plein jour, that the glory of God, la gloire de Dieu, God himself, Dieu lui-même, may descend in his glory in the day, qu'il puisse descendre dans sa gloire en plein jour, daylight, en plein jour, and then, et alors, allow people's naked eyes, permettre aux yeux des gens, to see, de le voir, but more than that, mais plus qu'en plus de cela, also to take with camera, qu'il puisse même filmer cela avec des appareils, and check and see it is already in the camera, et vérifier que c'était bien dans la camera. I think that's very big. Je crois que c'est énorme. This is big. Je crois que c'est. How is that possible? Comment est-ce que c'est possible? That he can allow them to take and it is in the camera. Que le Seigneur puisse leur permettre de le filmer et que ça apparaisse sur la I want you to appreciate this. J'aimerais que vous puissiez apprécier this cela. Is not a joke. Ce n'est pas une blague. So anyhow, de toute manière, the glory came. La gloire est descendue. Tremendous glory. Une gloire formidable. Now, maintenant, listen, precious people. Écoutez, peuple, personnes précieuses. That is the prophecy and the fulfillment of this visitation. C'est la prophétie et l'accomplissement de cette visitation. Which is still ongoing until now in the church. Et qui est encore en train de se poursuivre à l'heure actuelle dans l'église. This visitation is still ongoing until now. Cette visitation est toujours en cours jusqu'à l'heure actuelle. In fact, en fait, just a few months ago, il y a cela quelques mois, he again came to speak with me about this glory in the house. Il est également venu parler avec moi de cette gloire à la maison. And then he wrote across the sky. Et il a écrit dans les cieux. Written in captions, capital letters. Et c'était en lettres majuscules. Across the blue sky. Sur un ciel bleu. And he wrote tabernacled. In English, that means I am inside the tabernacle. Pour dire je suis dans le tabernacle. So listen to me now. Donc écoutez maintenant. So I want to begin to handle this visitation. Alors j'aimerais commencer à traiter le cas de cette visitation. This tremendous visitation of our time. Cette visitation puissante de nos temps. De nos First temps. Of all, tout d'abord, it's shocking. C'était choquant. That you and I can meet here to discuss this. Que vous et moi nous puissions nous rencontrer ici pour discuter de ça. How can we discuss this? Comment est-ce que nous pourrions parler de ça? Who gives us knowledge and authority to even discuss this? Qui nous donne la puissance et l'autorité même pour pouvoir la connaissance et l'autorité de discuter de cela? But I want to walk slowly by slowly and bring the message to the church. Mais j'aimerais right? aller petit à petit et vous délivrer le message. The precious church of Christ in Cameroon. L'église, la précieuse église de Christ au Cameroun. So listen to me, precious people. Donc écoutez-moi, personne précieuse. First of all, tout d'abord, what is this? Qu'est-ce que c'est que ça? What is this we're discussing? De quoi est-ce que nous sommes en train de parler là? Turn with me the book of Psalm 68. Tournez avec moi dans le livre de Psaume 68. Psalm 68, verse 4. Psaume 68, verset 4. Before we get the message, we need to know what is this? Who is this? Avant que nous puissions savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Psalm 68, verse 4. Psaume 68, verset 4. We are now beginning the journey. Nous commençons maintenant le voyage. This is going to take you into the deep. Ce parcours va vous amener dans les profondeurs. And nobody will ever lie to you again. Et personne ne vous mentira plus jamais. Nobody. Plus personne. Beginning this day. Pour commencer. The time is out for the false prophets and false apostles in this church. Le temps des faux apôtres et des faux prophètes est fini dans cette église. See, because the Lord himself is now here. Parce que le Seigneur lui-même est là maintenant. Oh yes. Oui. If you want the Lord to call you, si vous voulez que le Seigneur vous appelle, there is so much work. Il y a tellement de travail. Just tell the Lord, please call me. Dites au Seigneur, s'il te plaît, appelle-moi. Can I read this now? Alors, est-ce que je peux lire cela? Psalm 68. Psaume 68. Verse 4. Le verset 4. And he says, sing to God, sing praise to his name. Extol him who rides on the clouds. His name is the Lord. And rejoice before him. Chantez, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines ou sur les nuages. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Eternal, he says, right? Oui, l'Éternel. Eternal. His name is the Lord. L'Éternel est son nom. He rides on the cloud of his glory. Il est porté sur les nuages de sa gloire. So right from the beginning, alors dès le début, we now understand, nous comprenons, that the church is confronted with this historic visitation. Que l'église est confrontée à cette visitation historique. First of all, tout d'abord, you must know, vous devez savoir, that you must be a chosen generation. Que vous devez être une génération choisie. You must be a chosen church. Vous devez être une église élue. Many Christians lived and lived and died. Plusieurs chrétiens ont vécu et sont morts. Without seeing this. Sans avoir vu cela. But who are you? Mais qui es-tu? To be alive at this time, even to witness and discuss. Pour être vivant et même pour pouvoir avoir été témoin et discuter de ceci. When the prophets of the Bible, quand les prophètes de la Bible, when they saw this visitation, quand ils ont vu cette visitation, they trembled, ils ont tremblé, because they realized, parce qu'ils ont réalisé, that there was going to be a generation, qu'il y aurait une génération, there was going to be a dispensation, qu'il y aurait une dispensation, that would see a historic visitation of God the Father Himself, qui verrait une visitation historique de Dieu le Père lui-même. So they longed. Alors ils ont soupiré. Oh, how I wish I can live to see that dispensation. Ah, si seulement je pouvais vivre pour voir cette dispensation. Hallelujah. So who are you? Alors qui êtes-vous? Who are we? Qui sommes-nous? To discuss this. Pour parler de ces choses. To discuss God the Father Himself. Pour discuter et parler de Dieu le Père lui-même. Who are we? Qui sommes-nous? Who gives us authority? Qui nous donne cette autorité? I think this is a blessed time in the church. Je crois que c'est un temps béni dans l'église. Even that we have reached here. Bien que nous soyons parvenus déjà ici. It's a blessing. Le fait qu'on soit là déjà, c'est une bénédiction. Hallelujah. Once we appreciate that, we can move on and get the message. Une fois que nous sommes là, nous avons apprécié cela, on peut avancer et recevoir. So what is the message to the church then? Alors quel est le message à l'église? I said, j'ai dit, that every time there is a conversation from God to the church, que chaque fois qu'il y a une conversation de Dieu vers l'église, the Bible, la Bible, is the reference, est la référence. Only the Bible, seule la Bible. And if you go to the Bible and find it, et si vous allez et que vous trouvez cela dans la Bible, then inside there is the message. Alors vous y trouverez le message. Alléluia. Yes, time is over. Le temps est épuisé. The time for your kingdom in the church is over. Le temps de votre royaume dans l'église est fini. My Lord has come. Mon Seigneur est arrivé. Hallelujah. To take over. Pour prendre le contrôle. Now listen to this. Alors écoutez. If you go to the Bible, si vous allez dans la Bible, there is one servant. Il y a un serviteur whose life, dont la vie, and ministry, et le ministère, was very synonymous with this visitation. Était extrêmement synonyme de cette visitation. Step by step. Pas à pas. Now what I'm saying is very critical. Follow me step by step. Alors ce que je dis est très important. Suivez-moi. If you go into the Bible, si vous allez dans la Bible, you will find, vous trouverez, that there is one servant, il y a un serviteur, one prophet of the Lord, un prophète du Seigneur, whose life, dont la vie, and ministry, et le ministère, is very synonymous with this visitation. Est très synonyme de cette visitation. And that servant of the Lord, et ce serviteur du Seigneur, his name is Moses, son, the man of God. Son nom est Moïse, l'homme de Dieu. Moses, the friend of God. Moïse, l'ami de Dieu. Because this is not a joke, this visitation here. Parce que ce n'est pas une blague, cette visitation. He can only visit his friend. Il ne peut visiter que son ami. This is now he himself come down. C'est lui-même maintenant qui descend. And that means many things are going to change. Hold on. Et cela suppose que plusieurs choses vont changer. Now listen to me. Alors écoutez. I want to start from step one, that you may never miss anything. J'aimerais commencer par la première étape pour que vous ne manquiez rien. And make sure you record this and you write this, because you will never ever find it anywhere. Et notez bien ceci parce que vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Make sure you record this. Rassurez-vous que vous notez cela. And write this. Écrivez cela. Because you never ever find it anywhere. Parce que vous ne le trouverez jamais ailleurs. Hallelujah. So I want to begin from the beginning. Alors j'aimerais commencer dès le début. And I said, et j'ai dit, this servant, ce serviteur, if we will go into his life and ministry, si nous entrons dans sa vie et son ministère, and the manner in which he related with this visitation, et la manière dont il entre en relation avec cette visitation, then we will get the message for the church in Cameroon. Alors nous obtiendrons le message du Seigneur pour l'église au Cameroun. Alléluia. So I want to begin right from the beginning. Alors j'aimerais commencer dès le début. Right from the beginning, the book of Exodus chapter 2. Dès le début, le livre d'Exode chapitre 2. Let me first describe and then you will write. Listen what he says. Écoutez ce qu'il a dit. You find, vous trouvez, that in the beginning of the life of Moses, au début de la vie de Moïse, Moses was born at a time when there was persecution. Moïse est né à une époque où il y avait de la persécution. If you give birth to a baby boy, slaughter. Si vous donniez naissance à un enfant garçon, on l'égorgeait. Killed. Tué. Must die. Doit mourir. Anybody giving birth to a male child must be killed. The child must be killed. Chaque fois qu'on donnait naissance à un enfant mâle, il devait être tué. Very difficult time. Une époque très difficile. And the mother of Moses, the Bible says, et la Bible nous dit au sujet de la mère de Moïse, that the mother of Moses, que la mère de Moïse, when she gave birth to this boy, que lorsqu'elle a donné naissance à ce garçon, she realized that the baby was beautiful, elle s'est rendue compte que le bébé était beau, special, spécial, precious, précieux. She hid him. Elle l'a caché. She hid the baby. Elle a caché le bébé. She said, I don't let this one. Il dit, je ne vais pas laisser qu'on prenne ce bébé. Je vais faire de mon mieux to keep this baby. Pour garder ce bébé. I will try my best, je ferai de mon mieux to keep this baby. Pour garder ce bébé. Until the boy was 3 months old. Jusqu'à ce que le bébé ait 3 mois. Until she could not hide him any longer. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le cacher. Follow me very, very carefully here. Suivez-moi très attentivement. And you'll see the message for Cameroon. Et vous verrez le message pour le Cameroun. Until the boy could not be hidden any longer. Jusqu'à ce que l'enfant ne puisse plus être caché. 3 months old. À 3 mois. Then one day. Alors un jour. When she realized she cannot hide the boy anymore. Quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus cacher le bébé. She took a basket. Elle a pris un panier. And she put tar on the basket. Et elle a mis de la poix dedans. And she laid the baby there. Et elle a posé le bébé à l'intérieur. When she knew that now the daughter of the Pharaoh is about to come. Et quand elle savait que la fille de Pharaon devait venir. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? How difficult it is for a mother. Combien ça peut être difficile pour une mère. To take a baby. De prendre un bébé. So precious. Si précieux. And put on a basket. De le mettre dans un your panier, own baby, votre propre enfant, and release into the river Nile. Et vous le confiez à la rivière du Nil. I want you to imagine that. J'aimerais que vous imaginiez cela. Can you imagine how difficult? Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point c'était difficile? And she released the baby. Et elle a ainsi relâché cet enfant into the river Nile. Dans la rivière. Dans when le she rivière. Saw the Pharaoh's daughter coming to bathe. Quand elle a vu la fille de Pharaon qui venait se baigner. But there are two possibilities there. Mais il y avait deux possibilités. The first possibility, la première possibilité, is that when the Pharaoh's daughter comes, c'est que quand la fille de Pharaon vient, she will not even see the baby. Elle pouvait ne même pas voir l'enfant. That's the first possibility. C'était une possibilité. That she will not see the baby. Qu'elle ne verrait pas le bébé. And the baby will die. Et le bébé mourrait. The second possibility, la deuxième possibilité, you release the baby. Vous déposez ainsi le bébé. She sees the baby. Elle voit le bébé. And say, who is this? Et elle dit, qui est-ce? One of the Hebrew boys. Un des enfants hébreux. Kill him. Tuez-le. That's another possibility. C'était une autre possibilité. There was a law in the land. Il y avait une loi en vigueur dans le pays. The third possibility. La troisième possibilité. As you release the baby. Alors pendant que vous relâchez le bébé. Before she sees the baby. Avant qu'elle ne voit le bébé. A snake bite the baby. Un serpent mord le bébé. So do you understand? Vous comprenez? But the Lord loved Moses. Mais le Seigneur aimait Moïse. Listen to this now. Écoutez bien. That the Pharaoh's daughter said, "Oh, go and save for me this baby." Et la fille de Pharaon a dit, "Allez, sauvez-moi ce bébé." And they found the mother. Et ils ont trouvé la mère. To take care of the baby. Pour prendre soin du bébé. And said, "Take care of this baby for me." Elle a dit, "Prenez soin de cet enfant pour moi." So Moses grew up. Alors Moïse a grandi. In the palace. Dans le palais. But listen to this now. Mais écoutez maintenant. The way the life of Moses. La manière dont la vie de Moïse was rescued, a été sauvée. Even the daughter of Pharaoh gave him the name Moses. Même la fille de Pharaon lui a donné le nom de Moïse. Meaning, signifiant, I rescued him from the water. Je l'ai sauvé des eaux. The way the Lord miraculously rescued the life of Moses. La manière dont Dieu a sauvé miraculeusement la vie de Moïse. Right away, d'où dès le début, you can see. Vous pouvez voir that the Lord was saying, que le Seigneur était en train de dire that your life, que votre vie is miraculously rescued by God. A été miraculeusement sauvée par Dieu. His life alone, even the name, la vie, rien que le nom déjà. And the Lord was speaking very deep to Moses. Et le Seigneur était en train de parler en profondeur à Moïse, saying, disant, just as I have rescued you miraculously. Tout comme je t'ai sauvé miraculeusement. By miracle. Par miracle. So am I bestowing on your life. Ainsi le dépôt que je mets sur ta vie. A mission. Je dépose sur ta vie. To go and miraculously rescue the house of Jacob. Afin que tu ailles que miraculeusement tu sauves la maison de Jacob. No, I am just going step by step. Je vais étape looking par étape. At the life of the servant of the Lord, whose life and ministry was very synonymous with this. En regardant la vie d'un serviteur de Dieu dont la vie était très synonyme à cela. His own life was about the rescue of God, the miraculous rescue by God. Sa propre vie était essentiellement question du sauvetage miraculeux par Dieu. And now, et maintenant, when Moses grows up, quand Moïse grandit, then we see that Moses encounters the glory of Jehovah. Nous voyons que Moïse rencontre la gloire de Jéhovah. And Jehovah, et Jéhovah, now sends Moses, envoie maintenant Moïse, to go, pour aller, and miraculously rescue Israel, pour aller miraculeusement sauver Israël. His own life talks about miraculous rescue. Sa propre vie est une histoire d'un sauvetage miraculeux. Now his own ministry, alors, his life's mission. Alors son ministère, sa mission pour sa vie, is now about a miraculous rescue. Était maintenant une mission de sauvetage miraculeux. So the servant who is associated with this glory, this visitation. Donc le serviteur qui est associé avec cette gloire, avec cette visitation. His mission. Sa mission. His life. Sa vie. This interaction, cette interaction, he's saying, il dit, this visitation, cette visitation, is synonymous with miraculous rescue, est synonyme d'un sauvetage miraculeux. And now his mission, et maintenant sa mission, is a miraculous rescue of God, est un sauvetage miraculeux de Dieu. Hallelujah. Write down the following. Veuillez noter les passages suivants. Write down the book of Exodus, Exode, le livre d'Exode, chapter 2, verses 1 to 11, chapitre 2, verset 1 à 11, and then I want us to move to the next level. Et j'aimerais que nous passions au niveau suivant. I want now to discuss the interaction of that servant with the glory of God. J'aimerais qu'on parle de l'interaction de ce serviteur avec la gloire de Dieu. Today we are going to get very deep. Aujourd'hui, on va aller vraiment en profondeur. The time for comedy in the church, le temps de la comédie à l'église, is finished. Est passé. You can see how much work. Vous pouvez voir la quantité de travail. So much work to prepare the church. Combien il y a de travail dans la préparation. The real visitation of God is here. La vraie visitation de Dieu est là. There is so much work to deal with. Il y a tellement de travail. And there are so many conversations I have not shared with Cameroon. Et il y a tellement de conversations que je n'ai pas partagées avec le Cameroun. How I went all over the world prophesying the coming of the four horsemen of the apocalypse. Comment est-ce que je suis allé de par le monde prophétisant la venue des quatre chevaux de l'apocalypse? I have not handled that. Les quatre cavaliers de l'apocalypse, j'ai pas traité cela. I have not handled the vision when he opened heaven and he showed me a glorious garment. Il m'a partagé de cette visitation où il m'a montré les cieux et il avait un vêtement glorieux. And the garment was from here to here. Et il allait de là à là. Glorious garment. Un vêtement glorieux. I have not shared. Je n'ai pas partagé ça. So there is so much work. Donc il y a tellement de travail. There is no time for comedy, who, what, that, the jokes. Il n'y a pas le temps pour les blagues, qui fait quoi, ainsi de suite. There is work here. Il y a du travail ici. Serious work. Un sérieux travail. Alléluia. So can we look at the interaction of Moses and the glory of the Lord? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil à l'interaction entre Moïse et la gloire de Dieu? Exodus chapter 3 now. Exode chapitre 3 maintenant. Verses 4 and 5. Versets 4 et 5. Exodus chapter 3, precious people. Exode chapitre 3. Verses 4 and 5. Versets 4 et 5. He says, il dit, when the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Verse 5. Verset 5. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Everybody focus on me now. Alors concentrez-vous sur moi maintenant. Including globally here. Et même vous qui êtes là-bas de l'autre côté. Listen to me now. Écoutez maintenant. This is big. C'est immense. This is the glory of God the Father. Voici la gloire de Dieu le Père. Himself. Dieu lui-même. But when God the Father. Mais quand Dieu le Père. Appeared to Moses. Est apparu à Moïse. Before he appeared in this form. Avant qu'il n'apparaisse sous cette forme. When he appeared to him in the glory of the flame, the burning bush, fire. Quand il est apparu dans la gloire de la flamme du buisson ardent. When he appeared in the glory of fire. Quand il est apparu dans la gloire du feu. Look what happened. Voyez ce qui s'est produit. Moses. Moïse. Was tending the sheep of Jethro. Moïse était en train de faire paître les troupeaux de Jethro. He was taking care of the sheep of his father-in-law. Il prenait soin du troupeau de son beau-père. Jethro. Jethro. And you know. Et vous savez. That when your father-in-law gives you sheep to take care of. Que quand votre beau-père vous donne des brebis donc que vous devez faire paître. That means. Cela signifie. He is testing you. Il est en train de vous éprouver. He wants to know. Il veut savoir. Is this man good enough to keep my daughter? Est-ce que cet homme est assez bon pour garder ma fille? So it means you have to do that with a lot of diligence. Alors vous devez le faire avec beaucoup de diligence. You cannot come back home and say, I want to kneel down and repent. I have lost 5 sheep today. You cannot say that. Vous pouvez mettre à genoux et dire, je vous demande pardon, j'ai perdu 5 chèvres aujourd'hui. You cannot. Vous pouvez pas le faire. You have to watch it. Vous devez les surveiller. And so, when Moses was taking care of the sheep of Jethro, et ainsi quand Moïse prenait soin du troupeau de Jethro, the wealth of Jethro, de la richesse de Jethro, then all of a sudden, alors tout d'un coup, and I want to believe that je veux bien croire, shepherds arrange their grazing. Que les bergers planifient le pâturage. This week I'm going to graze on this grass. Cette semaine je vais les amener paître par ici. Next week I want it to grow, I will move to another grass. Et je vais laisser l'herbe pousser ici, je vais les amener paître de l'autre côté là-bas. So that the other one might grow. Afin que l'autre herbe puisse croître. And so. Ainsi, as he was doing that, pendant qu'il faisait cela, everybody look at this. Tout le monde, je te regardais. Then all of a sudden, alors tout d'un coup, look at this now. Voyez maintenant. He looks, il voit, and he sees a burning bush. Il regarde et il voit un buisson ardent. And when he checks, he finds that the flame is on, but the bush is not burning. Et quand il regarde bien, il voit que le feu est là, mais le buisson ne se consume pas. And the Bible says this. Et la Bible dit ceci. Look at this somebody. Regardez un peu par ici. When the Lord saw that he had gone to look. Quand le Seigneur a vu qu'il s'est détourné pour regarder. Did somebody understand that part? Est-ce que quelqu'un comprend cette partie-là? No, let me repeat it. Permettez que je répète. He was here. Il était là. And nothing is happening. Et rien ne se produit. But when the Lord saw that he had gone to look. Et quand le Seigneur voit qu'il se détourne pour regarder. Then the voice called. Alors la voix l'interpelle. Moses, Moses. Moïse, Moïse. And look at the answer he gave. Et regardez la réponse qu'il a donnée. He gave the answer. Il a répondu. Here I am. Me voici. That became. Alors c'est devenu the classic calling of the prophet of God. L'appel classique des prophètes de Dieu. And that answer. Et cette réponse became the classic answer of yes, I am ready. Est devenue la réponse classique de oui, je suis prêt. Let me give you my own example. Permettez-moi de vous donner mon propre exemple. When the Lord appeared to call me on Mount Carmel. Quand le Seigneur est apparu pour m'appeler au Mont Carmel. In Israel. En Israël. The same cloud. Le même nuage. Appeared. Est apparu. And called me twice. Et m'a appelé deux fois. By voice. Audiblement. And he made me know. Et il m'a fait savoir. That if I say yes. Que si je disais oui. Everything about my life. Toutes choses concernant ma vie. I was training there to become a university professor. J'étais en formation pour devenir un professeur d'université. But he made me know. Mais il m'a fait savoir. That if I say yes. Que si je disais oui. All that would be to the garbage. Tout cela serait dans la poubelle. Finished. Fini. He made me know. Il m'a fait savoir. And that became the day when I began to run away from the Lord. Et c'est le jour où j'ai commencé à fuir le Seigneur. For some years. Pendant quelques années. Starting to run away. J'ai commencé à fuir. Because I knew very well. He made me know. If you say yes, everything is finished. Il savait très bien. Il m'avait dit, si tu dis oui, tout est terminé. That became the classic calling of the prophet. Cela est devenu l'appel classique des prophètes. And it also became the answer of Moses. Et c'est également devenu la réponse de Moïse. Became the classic yes, et like Samuel. Samuel, Samuel. Le même oui, comme dans le cas de Samuel, Samuel. I just wanted to mention that. Je voulais juste mentionner cela. As we move to the message. Pendant que nous continuons dans le message. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. When Moses, quand Moïse, the one whose life and ministry is associated with this visitation, celui dont la vie et le ministère sont associés à cette visitation, when he encounters the glory of Jehovah, quand il rencontre la gloire de Jéhovah, he was grazing the sheep of Jethro. Il faisait paître le troupeau de Jéthro. But look at what happened. Mais regardez ce qui se passe. When he went like this, quand il est allé, Moses, Moses, Moïse, Moïse. And when he said, "Here I am," il a dit, "Oui, me voici." He said, "Moses," il a dit, "Moïse." Remove your sandals. Ôte tes sandales. We are going to remove our sandals in Cameroon, right? Nous allons enlever nos sandales au Cameroun. Where? Where? It's not a joke. Ce n'est pas une blague. When you invite me, it's not a joke. Quand vous m'invitez, c'est pas de la blague. Oh yes. There has to be a purification here. Il doit y avoir de la purification ici. Moses, Moïse, all of a sudden, tout d'un coup, where he was standing, là où il se tenait, when the glory comes, quand la gloire est venue, all of a sudden, tout d'un coup, remove your sandals, enlève tes souliers, for the place where you are standing is holy ground, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. He might have grazed there yesterday. Il pouvait avoir fait brouter les troupeaux là hier. Last year. L'année d'avant. Last month, last week. Le mois d'avant ou bien la semaine passée. But when the glory comes. Mais quand la gloire est venue. That place. Ce lieu-là. Becomes holy ground. Est devenu une terre sainte. When I look at this meeting. Quand je regarde à cette réunion. I see the white tents. Je vois les tentes blanches. I see the gathering. Je vois la rencontre, le rassemblement. It looks to me, I don't think it's a meeting of the Hindus. Je pense pas que c'est un rassemblement d'hindous. I don't think it's a meeting of Muslims. Je pense pas que c'est un rassemblement de musulmans. Or some people selling cattle. Ou bien des gens en train de vendre du bétail. This is a Christian meeting. C'est une rencontre de chrétiens. I see. Je vois. That the glory has now come to the house. Que la gloire est maintenant venue dans la maison. Do you understand the message now? Est-ce que vous comprenez le message maintenant? And the Lord is saying. Et le Seigneur est en train de dire. That now that the glory has come to the house. Maintenant que la gloire est arrivée dans la maison. Cameroun. Cameroon. Cameroon, Cameroon. Cameroon, Cameroon. Don't come any closer. Ne t'approche pas plus que ça. Remove your sandals. Ôte tes sandales. For the place where you are standing now. Car le lieu où tu te tiens maintenant. Has become holy ground. Est devenu une terre sainte. Cameroon, Cameroon. Cameroon, Cameroon. Don't come any closer. Ne t'approche pas plus que ça. For the house where you worship now. Car la maison où tu adores maintenant. Has become holy ground. Est devenue une terre sainte. I said good morning, Cameroon. J'ai dit bonjour, Cameroon. Hein? Aïe. You come here because maybe Moses was there yesterday. Peut-être que Moïse était là la veille. Taking care of the sheep. En train de prendre soin des troupeaux. Taking care of the sheep of Jethro. Prenant soin des brebis de Jethro. The wealth of the earth. De la richesse de la terre. I wonder. Je me demande. What sheep of Jethro you pastors have been tending in your churches? Quels sont les brebis de Jethro que vous êtes dont vous vous occupez dans vos églises? Sometimes you part them. Parfois vous les. You milk a little bit. Vous les trayez un peu, vous prenez un peu de lait. For rent. Pour pouvoir avoir le loyer. For food. Pour avoir de quoi manger. For your children to go abroad. Pour que vos enfants aillent à l'étranger. For the car. Pour le véhicule. Sometimes you do that. Parfois vous faites cela. But listen. Mais écoutez. When Moses met the glory of God the Father. Quand Moïse a rencontré la gloire de Dieu le Père. His identity changed. Son identité a changé. His identity changed. Son identité a changé. From the shepherd of the sheep of Jethro. Il est passé de berger des brebis de Jethro. To the prophet of the Lord. À prophète du Seigneur. Number two. Deuxièmement. When Moses encountered, confronted the glory of God the Father. Quand Moïse a rencontré, a été confronté à la gloire de Dieu le Père. His life mission changed. Sa mission de vie a changé. From the tender, the shepherd of Jethro's sheep. Il est passé de berger des brebis de Jethro. The earthly sheep. Des chefs terrestres. From the shepherd of Jethro's sheep. Passé de berger des brebis de Jethro. To the shepherd of the sheep of Jehovah. À berger des brebis de Jéhovah. Today there is going to be a transformation here. Aujourd'hui il y aura une transformation ici. Your identity must change here. Votre identité doit changer. And your life's mission must change here. Et vos missions de vie doivent changer. If you have been tending some earthly sheep of Jethro. Si vous étiez en train de vous occuper de certaines brebis terrestres de Jethro. Now I want to tell you one thing. Maintenant j'aimerais vous dire quelque chose. That the glory has come into the house. La gloire est entrée dans la maison. And the identity must change. Et l'identité doit changer. And the mission must change. Et la mission doit changer. When Moses met the glory. Quand Moïse a rencontré la gloire. The name, the identity changed. Le nom, l'identité a changé. After that. Après cela. The mission changed. La mission a changé. Jethro's sheep. Les brebis de Jethro. Earthly wealth. La richesse terrestre. To taking care of the sheep of Jehovah. Il est passé à cela, à prendre soin des brebis de Jéhovah. The house of Jacob. La maison de Jacob. Heavenly wealth. Les richesses célestes. Hey, today you must stop it. Aujourd'hui, vous devez arrêter ça. You must change your mission. Vous devez changer votre mission. But listen to this. Mais écoutez ceci. He says, il a dit, Moses, Moses, Moïse, Moïse, don't come any closer. Ne t'approche pas plus que ça. Remove your sandals. Il dit non, enlève tes sandales. For the place where you are standing, car le lieu où tu te tiens, is holy ground, est une terre sainte. Now, maintenant, the glory has visited the house. La gloire a visité la maison. That means, cela suppose, the house of the Lord, que la maison du Seigneur, has now become, est maintenant devenue, holy ground, une terre sainte. Now, maintenant, if you did not know in Cameroon, si vous ne saviez pas au Cameroun, many nations in Europe, everywhere, they are now aware that the glory has visited the house. Plusieurs nations en Europe et ailleurs sont conscientes du fait que la gloire a visité la maison. If you did not know, si vous ne saviez pas, then today you know. Alors aujourd'hui vous saurez. And that means the Lord is saying, et cela suppose que le Seigneur dit, there must be a revival of worship now. Qu'il doit avoir un réveil de l'adoration maintenant. If you were coming here, si vous veniez ici, with the sandals of immorality, avec les sandales de l'immoralité, he says, don't come any closer. Il dit ne te rapproche pas plus que ça. Remove your sandals first. C'est d'abord tes sandales. The church of Christ, l'église de Christ, has now become holy ground. Est maintenant devenue une terre sainte. The sandals of immorality. Les sandales de l'immoralité. The sandals of falsidad, falsehood. Les sandales de la fausseté. The sandals of deception. Les sandales de la tromperie. The sandals of false prophets. Les sandales des faux prophètes. The sandals of false apostles. Les sandales des faux apôtres. The sandals of false tongues. Les sandales des fausses langues. The sandals of the gospel of prosperity. Les sandales de l'évangile de prospérité. They must be removed out there. Elles doivent être enlevées là dehors. Before you enter. Avant que vous n'entriez. That is what the Lord is saying. C'est ce que le Seigneur dit. He says, stop. Il dit, arrête. Don't come any closer. Ne t'approche pas plus que ça. For the place where you are standing. Parce que le lieu où tu te tiens. Has now become holy ground. Est maintenant devenu une terre sainte. Cameroon. Cameroon. The church globally. L'église dans le monde. Is already changing. Est déjà en train de changer. They are adjusting themselves to the new visitation. Ils sont en train de s'ajuster à la nouvelle visitation. And Yaoundé is not aware. Et Yaoundé n'est pas au courant. Douala is not aware. Douala n'est pas au courant. Ah! How? Comment cela se fait-il? If Europe can know. Si l'Europe peut savoir. How about Cameroon? Qu'en est-il du Cameroun? The glory is now in the house. La gloire est déjà dans la maison. That means, cela signifie que the identity of the pastor must change. L'identité du pasteur doit changer. And the mission of the pastor, et la mission du pasteur must change. Doit changer. The message is deep. Le message est profond. You have been used to false people coming from the developed world. On vous a habitué à des fausses personnes qui viennent de le monde développé entre guillemets quoi. Whoever receives this message, quiconque a reçu ce message, is the developed world. Est est déjà dans le monde développé. Hallelujah. Because you become enlightened. Parce que vous êtes illuminé. Hallelujah. And he's saying, et il dit, that the worship practice in the church must change. Que la pratique de l'adoration dans l'église doit changer. We must now approach the house of the Lord with reverence. Nous devons maintenant approcher la maison de Dieu avec révérence. Do you know the meaning of removing sandals? Est-ce que vous connaissez la signification d'enlever les sandales? Number one. Premièrement. It is reverence to the Lord. Tout d'abord, c'est de la révérence envers le Seigneur. Number two. Deuxièmement. Humility. L'humilité. Number three. Troisièmement. Humble, contrite heart. Un cœur brisé. Fear of the Lord. La crainte de Dieu. Many, there are many things. Il y a plusieurs choses. But in Cameroon, mais au Cameroun, pastors preach with their hands in the pocket like les this. Pasteurs prêchent avec leurs mains dans la poche comme cela. Ah! How can you? Comment est-ce que vous pouvez? How dare you? Comment est-ce que vous osez? When God himself is now in the house. Quand Dieu lui-même est maintenant dans la maison. How can you preach pocketing? Comment prêcher avec les mains dans les poches? Listen to me. How can you walk before the Lord? Do you know what the psychologists say? Est-ce que vous savez ce que les psychologues disent? They say the body language. On parle de langage corporel. Meaning you are familiar with God, with somebody. Ça veut dire if you are going to meet somebody and you are pocketing like this. If you are going to meet somebody, si tu dois rencontrer quelqu'un, and you are pocketing like this, et vous avez les mains dans les poches comme ça, that means you are actually the same level. Cela signifie que vous êtes en fait au même niveau. You know each other, you are familiar with, you know, you are buddies. Vous connaissez, vous êtes au même niveau. Tell me, dites-moi, are you buddies with the Lord? Est-ce que vous êtes au même niveau que le Seigneur? Not at all. Pas du tout. And he says, et il dit, the place of worship, the house of the Lord, has now become holy. If yesterday you were worshiping here in sin, today you cannot. Le lieu d'adoration du Seigneur, la maison du Seigneur est devenue sainte. Si hier vous adoriez ici avec le péché, maintenant ce n'est plus possible. Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. So Moses went to take care of the heavenly sheep. Donc Moïse est allé prendre soin des brebis célestes. Can we move to the next level? Est-ce qu'on peut passer au prochain niveau? Read with me again. Lisez encore avec moi. Exodus chapter 16. Exode chapitre 16. I am now revealing the message that this glory brings to the church. Je suis en train de révéler le message que cette gloire apporte à l'église. I'm revealing the message that this glory brings to the church. Je commence à révéler le message que cette gloire apporte à l'église. This is the best time in the history of the church. Voici le meilleur moment dans l'histoire de l'église. When we can meet here, où on peut se rencontrer ici, and talk about the historic visitation of God the Father. Pour parler de la visitation historique de Dieu le Père. There is so much I need to give you. Il y a tellement que je dois vous donner. And so, Exodus 16. Exode chapitre 16. Exodus 16, verses 22 to 23. I'm beginning from verse 21. Je commence par le verset 21. He says, il dit, each morning, everyone gathered as much as he needed. And when the sun grew hot, it melted away. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. On the sixth day, they gathered twice as much, two omers for each person, and the leaders of the community came and reported this to Moses. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. He said to them, this is what the Lord commanded. Tomorrow is to be a rest day, a holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever is left and keep it until tomorrow. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. So they saved it until morning, as Moses commanded, and it did not stink or get maggots in it. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il n'y eut point de ver. Eat it today, Moses said, because today is a Sabbath to the Lord. You will not find any of it on the ground tomorrow. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. 6 days you are to gather it, but on the seventh day, the Sabbath, there will not be any. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. What is the Lord saying here? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? This same cloud, ce même nuage, came down and visited Moses. Est descendu et a visité Moïse. And the Lord called him to go to the cloud. Et le Seigneur l'a appelé à venir dans le nuage. And when he went to the cloud, et lorsqu'il allait dans les nuages, this is what the Lord said. Voici ce que le Seigneur a dit. He reminded him, il lui a rappelé that they have to observe the Shabbat, Sabbath. Qu'ils doivent observer le sabbat. He said, il dit, the Sabbath must be holy. Que le sabbat doit être saint. He said, the Shabbat must be a holy time, holy day. Il a dit le sabbat doit être un temps de sainteté, un jour de sainteté. What is the message to the church? Quel est le message à l'église? For all this time, pendant tout ce temps, they had lived as usual. Ils ont vécu une vie habituelle. The house of Jacob. La maison de Jacob. They had lived as usual. Ils ont vécu une vie ordinaire. But when the cloud came, mais lorsque le nuage est venu, this same cloud, this very cloud, the same ce même nuage, ce nuage-ci, he came down, il est venu, and he now spoke about the enforcement. Il a commencé à parler du renforcement. To enforce, pour renforcer. That Israel must now observe the Shabbat. Pour que Israël puisse maintenant observer le sabbat. What I'm saying is this. Voici ce que je suis en train de dire. When this cloud comes down, lorsque ce nuage descend, it comes down, il descend, he comes down, il descend, to enforce, pour renforcer, the requirements of the Lord, les exigences du Seigneur. And he said, et il dit, you can take the 6 days harvesting every day. Vous pouvez prendre les 6 jours pour récolter tous les jours. But on the seventh day, you must now worship the Lord. Mais le septième jour, vous allez adorer le Seigneur. He came to enforce worship. Il est venu renforcer l'adoration. Holy worship. La sainte adoration. Good morning, Cameroon. Bonjour, Cameroun. I am moving on. J'avance. There is a very important part I want to start. Il y a une partie très importante que je veux commencer. Deuteronomy chapter 11. Deutéronome chapitre 11. Deuteronomy chapter 11. Deutéronome chapitre 11. This is the most important, very critical. Voilà, c'est très important, très Turn critical. With me to the book of Deuteronomy chapter 11. Allons tous dans le livre de Deutéronome chapitre 11. Deuteronomy chapter 11. Deutéronome chapitre 11. Hallelujah. From verse 9. À partir du verset 9. Verse 9 to verse 11, maybe. Verset 9 jusqu'à peut-être le verset 11. He says, il dit, and so that you may live long in the land that the Lord swore to your forefathers to give to them and their descendants, a land flowing with milk and honey. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Verse 10. Verset 10. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drink rain from heaven. I almost added directly from heaven, but that's okay. From heaven. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. So, if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and serve Him with all your heart and with all your soul, then I will send rain on your land in its seasons, both the autumn and the spring rain, so that you may gather in your new grain and the new wine and oil. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile. I will provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasieras. Everybody focus on me now. Tout le monde, focalisez-vous sur moi maintenant. As I begin this part. Pendant que je commence cette partie. What is the message the church in Cameroon? Quel est le message de l'église au Cameroun? From this tremendous visitation here. À partir de cette énorme visitation ici. From this tremendous visitation. À partir de cette énorme visitation. What is the message? Quel est le message? Listen to this now. Écoutez-moi maintenant. The Bible promised. La Bible dit. When you read the Bible, lorsque vous lisez la Bible, the Bible promised. La Bible promet. He said the first rain. Il parle de la première pluie. And the latter rain. Et la pluie de l'arrière saison. He says the first visitation. Il parle de la première visitation. And the end time visitation. Et la visitation de la fin des temps. The first anointing. La première onction. And the last anointing. Et la dernière onction. The Bible promised. La Bible promet. Even in the book of Joel chapter 2. Même dans le livre de Joël chapitre 2. He promised the latter anointing. Il a promis la dernière onction. Listen to me, somebody. Écoutez-moi très bien. And in that promise, et là-bas, dans cette promesse, Pentecost, la Pentecôte, and the latter anointing, et la dernière onction, he promised, il a promis, that the latter glory, que la dernière gloire, would be greater than Pentecost, sera plus grande que la Pentecôte. Alléluia. Step by step. Pas à pas. He promised, il a promis, that the latter glory of this hour, que la dernière gloire de cette heure, would be much greater, sera beaucoup plus grande, than Pentecost, que la Pentecôte. Listen to me now. Écoutez-moi maintenant. In this scripture we read, dans ce passage que nous avons lu, look now. Regardez maintenant. The Lord had delivered Israel. Le Seigneur avait délivré Israël from a very abusive slavery. D'un esclavage plein d'abus. Where there was serious abuse. Où il y a eu tellement d'abus. And when he delivered Israel, et lorsqu'il a délivré Israël, it was by power, c'était par la puissance. And somewhere he says he put them in the eagle's wings and went like an eagle. À certains endroits, il est dit qu'il les a mis sur les ailes d'aigle et les a menés comme un aigle. Meaning with power. Ce qui veut dire avec puissance. With miracles. Avec des miracles. With signs and wonders. Avec des signes et des prodiges. And when they entered the wilderness, et quand ils ont mangé dans le désert, the Lord looked at Israel, le Seigneur a regardé à Israël, and he was shocked. Et il était choqué. Very shocked. Très choqué. Why? Pourquoi? When he looked at Israel, he was shocked. Quand il a regardé Israël, il était choqué. Why? Pourquoi? Listen why. Écoutez pourquoi. Listen very very carefully. Écoutez très attentivement. Sometimes, parfois, when you take Kenyans, quand vous prenez les Kenyans, and they go to London, et ils partent à Londres, you know there are some foods you eat in Kenya. Vous savez, il y a des nourritures que vous mangez au Kenya. You might not find it in London. Que vous ne trouverez pas à Londres. And they go and stay in London. Et ils partent rester à Londres. If you follow the Kenyans very slowly, si vous suivez ces Kenyans très doucement, inside London, à l'intérieur de Londres, you will find, vous allez voir, that they are living together in one neighborhood. qu'ils habitent ensemble dans les mêmes quartiers. And they are speaking Kenyan language. Et parlent la langue kenyane. In London. À Londres. And they are eating Kenyan food. Et mangent la nourriture kenyane. In London. À Londres. So. Donc. You will find that they have built a small Kenya in London. Vous allez découvrir qu'ils ont bâti un petit Kenya à Londres. The Lord is saying. Le Seigneur est en train de dire. You can remove a boy from the village. Que tu peux sortir un garçon du village. But sometimes, mais parfois, it is difficult to remove the village from the boy. C'est très difficile d'enlever le village du garçon. If you go to Cameroonian community in London, si vous allez dans la communauté camerounaise à Londres, they will be talking about football. Ils seront en train de parler du football. The same football stars. Ils vont parler des stars de football. Eating Cameroonian food. Ils seront en train de manger la nourriture camerounaise. Talking Cameroonian language in London. Parlant la langue camerounaise à Londres. So you will find a little Cameroon in London. Et vous voyez, ce sera un petit Cameroun à Londres. That is what the Lord is saying in this scripture. C'est ce que le Seigneur est en train de dire dans ce passage. When he looked at Israel in the wilderness. Quand il a regardé Israël dans le désert. He had removed them from a cruel slavery. Il les avait arrachés d'un esclavage cruel. But when he came to check on them in the wilderness, mais lorsqu'il est venu les voir dans le désert, he found il a découvert they had made a small Egypt in the wilderness. Qu'ils avaient créé une petite Égypte dans le désert. They were saying, ils disaient, do you mean there were no graves in Egypt? Vous voulez nous dire qu'il n'y avait pas de pain en Égypte? Why did you bring us to die in this wilderness? Pourquoi tu nous as amené mourir dans ce désert? They were saying, ils disaient, in Egypt we ate big pots of meat. Ils disaient, en Égypte nous avons mangé des gros morceaux de viande. We ate big fish for free fish. Nous avons mangé des gros morceaux de gros poissons. And we ate large cucumbers. Et nous avons mangé de gros concombres. When the Lord looked at them, et quand le Seigneur les a regardés, they built a small Egypt in the wilderness. Ils avaient bâti une petite Égypte dans le désert. The Lord was forced. He had to come and warn them. Le Seigneur était obligé de descendre et de les avertir. And this cloud came. Et ce nuage est venu. And when this cloud came, et quand ce nuage est venu, look at this now. Regardez à ceci maintenant. That was the time. C'était le moment when Israel was most lost. Où Israël était perdu complètement. They were wandering most. Ils erraient. Wandering means errer signifie you have lost direction. Vous avez perdu direction. Wandering means errer signifie this is your destination. Voici votre destination. But you have lost direction. Mais vous avez perdu la direction. You are now headed there. Maintenant vous allez ici. And so when the Lord saw that, alors quand le Seigneur a vu cela, he came down himself. Il est venu descendu lui-même. In this glory. Dans cette gloire. And listen to what he said to Israel. Et voici ce qu'il a dit à Israël. He said, listen to me, Israel. Et il dit, écoute-moi, Israël. The land where I am taking you. La terre sur laquelle je vous amène. Is not Egypt. Ce n'est pas l'Égypte. Oh yes. The moment of truth has come to the church. Le moment de la vérité est venu dans l'église. Why? Pourquoi? Because he says, parce qu'il dit, it is not Egypt. Ce n'est pas l'Égypte. Where you used to go to River Nile. Où vous aviez l'habitude d'aller au fleuve du Nil. And take some little water. Pour prendre un peu d'eau. With your children and wife. Avec vos femmes et enfants. And begin to irrigate hectares of wheat. Pour aller irriguer des champs d'herbe. As if you are irrigating a small vegetable garden. Comme si vous étiez en train d'arroser un petit jardin potager. And the Lord says, by foot. Et le Seigneur dit, à pied. By foot. À papier. Meaning, pour dire, difficult ministry. Un ministère difficile. In Spanish, they say ministerio duro. Voilà ce qu'on dit en espagnol. Ministerio duro. Duro. Very heavy ministry. Un ministère très lourd. Without anointing. Sans onction. Everything mechanically. Tout est fait mécaniquement. Irrigating the field. Essayant d'irriguer toute la terre. by hand. Avec les mains, manuellement. And the Egyptians, et les Égyptiens, they don't care. Ils s'en foutent. How many times you go to River Nile? Ils s'en foutent combien de fois tu vas devoir aller au fleuve du Nil. All they have told you is this. Oh, tout ce qu'ils nous ont dit, c'est ceci. Today, aujourd'hui, we want to hear that you have irrigated the 10 hectares. Nous voulons savoir que vous avez irrigué les 10 hectares. By foot. À pied. And then with women and children. Et avec les femmes et les enfants. To River Nile. Au fleuve du Nil. Listen. Écoutez. He says, il dit, in Egypt, en Égypte, it did not matter. Cela n'importait pas. What type of relationship you lived with the Lord? Quel type de relation tu avais avec le Seigneur? Whether you worship the Hindu God, que tu adores le Dieu hindou, or the Muslim God, ou le Dieu musulman, or another God, ou un autre Dieu, or the pyramids, ou les pyramides. Every morning, chaque matin, when you woke up, quand tu te réveilles, the River Nile was there. Le fleuve du Nil était là. River Nile was there flowing. Le fleuve du Nil était là et coulait. You woke up and you went and fetched water and irrigated. Tu devais te réveiller, aller puiser de l'eau et commencer l'irrigation. The Lord was saying, le Seigneur disait, that the land where I am taking you, la terre sur laquelle je vous amène, when this cloud came to lead Israel, quand ce nuage est venu au milieu d'Israël, when this cloud appeared to lead Israel, quand ce nuage a apparu pour diriger Israël, he was saying to Israel, il disait à Israël, that the land, que cette terre, where I am leading you to, taking you, où je suis en train de vous amener, is not Egypt, n'est pas l'Égypte, where you went to the Nile and fetched water and irrigated, où tu allais au Nil, tu puisais l'eau pour venir irriguer. In other words, he was saying, en d'autres termes, il disait, in the promised land, tu as la terre promise, in Jerusalem, à Jérusalem, there is no River Nile, il n'y a pas de fleuve du Nil. That's what he was saying. C'est ce qu'il disait. And he was saying, et il disait, that land, que cette terre, is a land of mountains and valleys, et c'est la terre des montagnes et des vallées, and those mountains and valleys, et ces montagnes et ces vallées, they drink rain directly from heaven, font descendre la pluie directement du ciel. Do you understand where the church is going to? Est-ce que vous comprenez là où l'église est en train d'aller? Do you understand what he has come to do? Vous comprenez ce qu'il est venu faire? Where he has come to take the church? Où il est venu amener l'église? Do you now understand me? Est-ce que vous me comprenez maintenant? Do you now understand me? Est-ce que vous me comprenez maintenant? He's saying, il dit, in Cameroon, au Cameroun, you are used to a certain type of Christianity. Vous êtes habitué à un certain type de christianisme. A certain type of ministry, un certain type de ministère, where you push people, où vous poussez les gens, and you say this demon is very stubborn, huh? Et vous dites que ce démon est très têtu, hein? And you push and you do like this, et vous le poussez, vous le raclez, and the people, et ces gens, these days they do the leg like this, ils mettent le pied comme they ça. Refuse. Et ils refusent. Say, fall, fall. Et vous dites, tombe, tombe. Pastor, I cannot fall if I'm not yet ready to fall. Pastor, please, fall. Pastor, je ne peux pas tomber si je suis pas encore prêt de tomber. No, pastor, please. If the Lord wants me to fall, let him. Ouais, pastor, si le Dieu veut que je tombe, je vais tomber. The ministry. Le ministère. Of fetching water from the Nile. Oh, le ministère de puiser l'eau du Nil. And irrigating by foot. Et irriguer à pied. The difficult ministry. Un ministère difficile. Where? Où? You beat the stomach. Pa! Où on tape le ventre. Pa! Pa! I curse you, get out of here. Je te maudis, sors d'ici. When the Lord sends me to the healing services. Quand le Seigneur m'envoie dans des cultes de guérison. He says this. Il dit ceci. Announce to them. Annonce-leur. That when I bring you into the stadium like this. Que lorsque je vais entrer dans le stade comme ça. Everything is going to happen here. Tout va se passer ici. Do you understand where the Lord wants to take the church? Où là où Dieu va mener l'église? He's saying. Il dit. He is taking the church. Il amène l'église. The church in Cameroon. L'église au Cameroun. He has come to lead them. Il est venu les conduire. To a land. Vers une terre. Of mountains and valleys. Des montagnes et des vallées. That drink rain direct from heaven. Qui boit l'eau directement du ciel. Meaning. Signifiant que the land of open heaven, la terre des cieux ouverts, where the glory is flowing, où la gloire coule, the anointing is flowing, où l'onction coule, the power is flowing, la puissance coule, the healing is flowing, la guérison coule, the deliverance is flowing, la délivrance coule, authority is flowing, l'autorité coule, direct from heaven, directement des cieux. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? Meaning. Cela signifie que the church has been in a closed heaven. L'église a fonctionné sous les cieux fermés. Meaning, signifiant que where there is drought, que là où il y a la sécheresse. And he says, et il dit, I have promised, j'ai promis, latter rain, la dernière pluie, and that rain is coming. Et cette pluie là arrive. If you are ready, si vous êtes prêt, he says there, il dit ici, that if you will obey the command I give you today. Que si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, to love the Lord your God, d'aimer l'Éternel votre Dieu, with all your heart, de tout votre cœur, all your soul, de tout votre, all your mind, de tout votre pensée, all your strength, de toute votre force, then the Lord your God, alors le Dieu votre will Dieu, send you, il va vous envoyer, rain, la pluie, in the seasons, dans des saisons, the first rain, la première pluie, and the second rain, et la deuxième pluie. Without delay, sans retard. Did you understand what the glory has come to say? Est-ce que vous comprenez ce que la gloire est venue dire? Cameroun. How come Sweden and Finland and Germany have known this? They have known. Comment se fait-il que la Suède, la Finlande et l'Allemagne aient su ceci? You are just 4 hours away. Et vous êtes juste 4 heures de distance from the truth, de la vérité. Today, aujourd'hui, the truth has come. La vérité est venue. He's saying, il dit, that the time for doing a physical Egyptian ministry is over. Que le temps de faire un ministère physique égyptien est terminé. It is time for the flow of the anointing of God. C'est le moment de la coulée de l'onction de Dieu. The Lord is taking the church into the land of revival. Le Seigneur amène l'église vers la terre du réveil. Into the land of open heaven. Sur la terre des cieux ouverts. And that is where there is the rapture of the church. Et c'est là que se passe l'enlèvement de l'église. I told you there is so much work. Je vous ai dit qu'il y a tellement de travail to prepare the church. Pour préparer l'église. When the Lord makes one move, quand le Seigneur fait un mouvement, a big move like this, un grand mouvement comme celui-ci, the message is too deep, very deep. Le message est trop profond, très profond. Very deep. Très profond. And he's saying, et il dit that right now, que maintenant the church, l'église has been lost, est perdue. If you look at the church, si vous regardez à l'église, she has lost direction. Elle a perdu la direction. And I need to handle that tomorrow. Et je vais traiter de cela demain. The book of Numbers chapter 9. Le livre de Nombres chapitre 9. When this same glory came down, lorsque cette même gloire est descendue, what is the message? Quel est le message? Ah! God is powerful. Dieu est puissant. He is now visiting the church in the most historic way. Il est en train de visiter l'église dans la manière la plus historique possible. I wonder what the pastors from Yaoundé are doing. They should be sitting here. Je me demande ce que font les pasteurs de Yaoundé. Ils devraient être assis ici. How can the Lord come and speak such serious words and you are not here? Comment le Seigneur peut-il venir et parler de donner des paroles si sérieuses et vous n'êtes pas là? How? Comment? This is serious. Ça c'est sérieux. He is discussing the eternity of the church. Pour discuter de l'éternité de l'église. And giving direction to the church. Et pour donner la direction à l'église. And he says, et il dit, The first rain, la première pluie, and the latter rain, et la pluie de l'arrière saison. And he says, et il dit, and he will provide, il dit qu'il va pourvoir, rain, à la pluie, until you harvest, et la votre récolte, until you harvest the grain, jusqu'à ce que vous récoltiez. The harvest is plenty. La récolte est abondante. And the workers are few. Et les ouvriers sont peu nombreux. He said, il dit, I'll bring you rain. Je vais vous apporter la pluie. In his seasons. Dans ses saisons. And he says, et il dit, and you shall harvest a lot of grain. Et vous allez récolter plein de semences. A new oil will flow. Et il y aura une nouvelle huile qui va couler. A new wine. Et un nouveau vin. And you shall eat. Et vous allez manger. And be satisfied. Et être satisfait. Did you see the promise of revival? Est-ce que vous avez vu la promesse du réveil? Of the harvesting of the souls. De la récolte des âmes. And the welfare of the pastors. Et le bien-être des pasteurs. He talks about it there. Il parle de ça là-bas. And you shall not lack. Et vous ne serez pas dans le manque. So this gospel of prosperity, sow a seed, get your miracle. Donc cet évangile de prospérité qui vous dit, mettez une semence et obtenez votre miracle. Is a lie of the devil. C'est un mensonge du diable. Because the Lord promises to take care of the welfare of the pastors who are preaching holiness. Parce que Dieu a promis de prendre soin du bien-être des pasteurs qui prêchent la sainteté. Oh yes. Tomorrow we will continue, precious people. Demain nous allons continuer, peuple précieux. I will begin to talk tomorrow. Je vais commencer à parler demain. When this cloud appeared. Lorsque ce nuage est apparu. In what I call the final stretch. Ce que je parle, la dernière extension. The segment. Le segment. Between Mount Sinai and the Red Sea. Entre le mont Sinaï et la mer Rouge. That is where Israel was most rebellious. C'est dans cette section qu'Israël était le plus rebelle. That's where Israel wandered most. C'est là où Israël a le plus erré. Lost direction. Perdu la direction. And when I look at the church today, et lorsque je regarde à l'église aujourd'hui, I can see she has entered the final stretch. Je peux voir qu'elle est entrée dans cette dernière section. That is where Israel said, no, no, no, no. Let us raise a leader to return us to Egypt. C'est là où Israël a dit que non, non, non, non, suscitons-nous un leader pour qu'il nous ramène en Égypte. And when I look at the church today, et lorsqu'elle regarde l'église aujourd'hui, I can see that she is raising a leader to return them to Egypt. Je vois qu'elle est en train de susciter un leader pour retourner en Égypte. This is the time when the church is most rebellious. Voici le moment où l'église est dans le plus dans la rébellion. You find Christian women sitting on the motorcycle like this. Vous voyez des femmes chrétiennes assises sur des motos, les jambes écartées. Like this. Et comme ça. That is sin. C'est un péché. That is sin. It is called sin. C'est le péché. Ça s'appelle péché. To sit on a motorcycle like that. S'asseoir de cette façon sur une moto. You must have the fear of the Lord. Vous devez avoir la crainte du Seigneur. If you don't fear yourself. Si vous ne vous craignez pas vous-même. At least you fear the Lord. Au moins et craignez le Seigneur. This is the time when the church is most rebellious in Cameroon. Ça c'est le temps où l'église est dans la plus grande rébellion au Cameroun. The final stretch. La dernière extension. When I come, et quand je viens, I have to tell you the truth. Je dois vous dire la vérité. If I don't tell you the truth, si je ne vous dis pas la vérité, look at what will happen to me. Regardez ce qui va m'arriver. The Lord will remove me. Le Seigneur va m'enlever. And strike me in the public. Et va me frapper en public. And send another person to Cameroon. Et envoyer une autre personne au Cameroun. To speak the message straight. Pour parler un message droit. So when I come, donc quand je viens, I must tell you, je dois vous dire, that sin, que le péché, is sin, est le péché. I cannot paint it white. Je ne peux pas mettre une peinture blanche dessus. Non. Non. Otherwise, why have I come? Oh, sinon, pourquoi serais-je venu? Many people have come and lied to you. Plusieurs sont venus vous mentir. And take a lot of money from Cameroon. Ils ont pris plein d'argent du Cameroun. You know, in Cameroon, in the church, people give a lot. Vous savez, dans l'église Cameroun, les gens donnent. So many people have come and taken money. Donc beaucoup sont venus prendre l'argent. But not me. Mais pas moi. When I come, quand je viens, I will tell you the truth. Je vais vous dire la vérité. When Isaiah the prophet saw this anointing coming, quand Isaïe le prophète a vu cette onction venir, and Isaiah calls it the morning dew. Et Isaïe appelait ça la rosée du matin. And he says that dew comes. Et il dit quand cette rosée vient, to expose sin. Pour exposer le péché. That's why when I come. C'est pourquoi quand je viens, and you sit in the motorcycle like that, et tu t'assois sur la moto comme ça, I say, je dis, sin is sin. Que le péché, c'est le péché. Oh yes. Oh yes. Did you understand me? Est-ce que vous avez compris? Now you are going to change your transport. Maintenant, vous allez changer votre transport. Oh yes. Oh oui. Now the children of God will be separated. Les enfants de Dieu vont être mis à part. When you see them, you know that these are the children of Jehovah. Quand vous allez les voir, vous allez savoir que voici les enfants de Jéhovah. Oh yes, sin is sin. Le péché, c'est le péché. It is finished now. C'est fini maintenant. I can only tell you. Je peux seulement vous dire about Jehovah. Au sujet de Jéhovah. About the kingdom of God. Au sujet du royaume de Dieu. The other tricks. Les autres manigances. The games. Les jeux. I don't know. Je ne les connais pas. All I know is this. Tout ce que je sais, c'est ceci. Sin. Le péché. Is sin. C'est le péché. It's finished. Et il est fini. It is over in this church. C'est fini dans cette église. She must now follow Jesus. Elle doit désormais suivre Jésus. Because he died on the cross. Parce qu'il est mort à la croix. And when he looks at his body, et quand il regarde à son corps, he says, il dit, these people must have really hated me. Que ces gens-ci doivent m'avoir terriblement haï. Look how they tortured me. Regardez comment ils m'ont torturé. Look how they abused me. Regardez comment ils ont abusé de moi. But when he looks down, et lorsqu'il regarde en bas, but where is the church? Mais où est l'église? The pastor is chasing women. Le pasteur poursuit les femmes. The wife is complaining. La femme se plaint. About the worship leader. Au sujet du leader d'adoration. Please don't be too close to that woman. S'il te plaît, ne te rapproche plus de cette femme. The pastor cannot listen. Le pasteur ne peut pas écouter. And the wife is crying every day in the bedroom. Et la femme pleure chaque jour dans la chambre. The reports are coming to the wife. Les rapports reviennent à la femme. Today we saw your husband with the worship leader. Aujourd'hui nous avons vu ton mari avec la responsable de l'adoration. We saw the pastor with the worship leader in the restaurant eating. Nous avons vu le pasteur et le responsable de louange mangeant dans un restaurant. We saw him with the worship leader in his car. Nous l'avons vu avec le leader d'adoration dans sa voiture. In his vehicle. Dans son véhicule. And the wife is crying. Et la femme pleure. And Jesus is watching. Et Jésus regarde. And the Lord is saying, where is the church? Et le Seigneur est en train de dire, où est l'église? That I purchased. Que j'ai racheté. When I look at the body, I see the scars. Quand je regarde à mon corps, je vois les cicatrices. Man of sorrows. Homme de douleur. Familiar with suffering. Habitué à la souffrance. He says, let me wait tomorrow. Il dit, que j'attende demain. Maybe the pastor will change his mind. Peut-être que le pasteur va revenir sur ses voies. Maybe he might change his mind tomorrow. Peut-être qu'il va changer sa pensée demain. When he comes to check, quand il vient vérifier, the pastor is chasing money. Le pasteur est en train de poursuivre l'argent. And the Lord says, but time, et le Seigneur dit, mais l'heure, time is over. Le temps est terminé. I am going to be put to shame. Je vais être éhonté. Deep shame. Dans une honte profonde. The devil laughed at me on the cross. Le diable s'est moqué de moi à la croix. If I'm not careful, si je ne fais pas attention, the devil is going to laugh at me again. Le diable va se moquer de moi une fois de plus. I still remember. Je me souviens encore. When the Lord presented John the Baptist to speak with me. Quand le Seigneur m'a présenté Jean Baptiste pour parler avec moi. That 2nd of April 2004. Ce 2 avril 2004. And I remember when he appeared and began to speak with me. Et je me souviens quand il a paru et il a commencé à parler avec moi. About the coming of the Messiah. Au sujet du retour du Messie. The Lamb of God. L'agneau de Dieu. And I was standing right in front of the tremendous glory that covered the throne of God in heaven. Et je me tenais devant cette énorme gloire de Dieu qui couvre le trône de Dieu dans le ciel. And I remember. Et je me souviens. I don't know why I argued with John the Baptist. Je ne sais pas pourquoi j'ai discuté avec Jean-Baptiste. I argued. J'ai discuté. Because he told me. Parce qu'il m'a dit. That the Lamb of God was slain. Que l'agneau de Dieu avait été immolé. For the sins of men. Pour le péché des hommes. And then I remember I did not understand very well. Et je n'avais pas très bien compris. So I asked him. Alors je lui ai demandé. But why did he have to be killed? Mais pourquoi devait-il être tué? And John told me. Et Jean m'a dit. Don't worry. Ne t'inquiète pas. You just go to the four ends of the earth. Tu vas aller juste aux quatre coins du monde. And tell them prepare. Et pour leur dire préparez-vous. He is coming. Il vient. And I still argued. Et j'ai continué de contester. And I asked him. Et je lui ai demandé. Did he really have to die? Devait-il vraiment mourir? And that is the time. Et en ce moment-là, when the Lord opened my eyes a little bit more, que le Seigneur ouvert mes yeux un peu plus, in that vision, et dans cette vision, and when he opened my eyes a little bit more, quand il a ouvert mes yeux un peu plus, in that vision, dans cette vision, when he opened my eyes a little bit more, quand il a ouvert mes yeux un peu plus, look at what happened. Regardez à ce qui s'est passé. Then I saw, et alors j'ai vu, the Lamb of God, l'agneau de Dieu. When the glory opened and he looked at me like this. Quand la gloire s'est ouverte et il m'a regardé comme ceci. And I will never forget that look. Et je ne peux jamais oublier ce regard. Until today. Jusqu'aujourd'hui. Because in that look, parce que dans ce regard, I understood that he was saying, j'ai compris qu'il était en train de dire, it is me. C'est moi. Can you help me? Peux-tu m'aider? Can you go and do it for me? Peux-tu aller le faire pour moi? Who will do it for the Lord in Cameroon? Qui le fera pour le Seigneur au Cameroun? Those who have lifted your hands up, let us pray. Ceux qui ont levé leurs mains, prions. Mighty Father, Père puissant, Father, you asked, tu as demandé, Père, who will do it for me in this land? Qui le fera pour moi sur cette terre? And many pastors have lifted up their hands. Et plusieurs pasteurs ont levé leurs mains. And I ask you, my Father, et je te demande, mon Père, to anoint them, de les oindre, put fire in them, de mettre du feu en eux, tell them, dis-leur, to just endure, d'endurer, a little bit longer, juste un peu plus longuement. You will give them a big reward in heaven. Tu vas leur donner une grande récompense dans le ciel. Tell them, dis-leur, please, s'il te plaît, just endure a little longer. Endurez juste un peu plus longtemps. Just do it for me now. Faites-le juste pour moi maintenant. A little longer more. Juste un peu plus longtemps. I will reward you. Je vais vous récompenser. I will not fail to reward you. Je ne vais pas manquer de vous récompenser. Father, help them. Père, aide-le. And their ministries. Et leur ministère. Bring glory onto their ministries. Amène la gloire dans leur ministère. That they may move with fire. Pour qu'ils puissent se mouvoir avec le feu. Uncompromising. De manière sans compromission. That they may teach holiness. Qu'ils enseignent la sainteté. Rebuke sin. Qu'ils réprimandent le péché. Teach repentance. Qu'ils enseignent la repentance. And prepare the bride of Christ. Et prépare l'épouse du Christ. And bring revival here. Et amène le réveil ici. And prepare this land. Et pour préparer cette terre. For the glorious coming of the Messiah. Glorieuse venue du Messie. So be it. Qu'il en soit ainsi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Even according to the words of my tongue. Et selon même la parole de ma langue. Amen. Amen.